journée. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Les Restos du Cœur sont connus pour les distributions alimentaires, mais pas que. Ils donnent aussi des cours de français et ils sont plus de 6000 personnes à suivre ces ateliers dans toute la France. Le centre de Saint-Roch, dans le 1er arrondissement de Paris, propose des cours le mardi et le jeudi. Je m'appelle Léa et avec Hugo, nous avons assisté à l'un de ces ateliers qui accueille des mamans et leurs bébés qui vivent à la rue ou dans des hébergements d'urgence. Il est 9h30. Les mamans et les bébés commencent à arriver. Tables, chaises, livres et jouets pour enfants, tout est là pour les accueillir au mieux. Malgré une formation basique, des moyens compliqués et un sous-effectif, les bénévoles font tout pour aider ces femmes. Tu l'appelles pour lui dire, j'ai oublié de te dire que j'ai un rendez-vous de PMI. Pourquoi ? Parce que mardi, elle s'est un peu inquiétée, Annie. Annie est retraitée et bénévole au Resto du Cœur depuis des années. Comment il est né l'atelier ? Je m'occupais d'une bibliothèque dans un relais. Et les dames du Resto Bébé qui fonctionnent avec le relais m'ont demandé si je voulais pas ouvrir la bibliothèque pour les dames, qui sont venues, qui regardaient les livres, quelques-unes en empruntaient, mais la plupart me disaient c'est bien ta bibliothèque, mais nous on ne sait pas lire. Ces femmes qui viennent en fait n'ont jamais été scolarisées et souvent ne parlent pas français. Donc vous imaginez bien que ne parlant pas français et n'ayant jamais été scolarisées, il est très compliqué d'apprendre le français et d'apprendre à lire et à écrire. Pour leur apprendre le français, les bénévoles s'adaptent aux difficultés des mamans dans leur quotidien. Alors on essaie de parler de thèmes sur les transports, sur le corps, la maladie, enfin quand on va chez le médecin, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que le vocabulaire adapté, et puis pour qu'elles se repèrent dans la ville aussi, dans le métro. Est-ce que tu as déjà passé des radios? Non. Oui. Ou est-ce que... Non, t'as jamais passé de radio? Assise derrière une table, Naomi est l'une des élèves. La jeune mère de deux enfants assiste à ces ateliers depuis 3 ans. Dans la vie de tous les jours, pour se déplacer, il faut savoir lire et écrire. Bon, moi, je ne savais rien faire. Je ne savais pas lire même mon nom. J'arrive à lire mes messages toute seule. J'arrive à me déplacer toute seule. Donc, franchement, ça m'aide beaucoup. Malgré la fatigue, Angela, enceinte de 8 mois, ne rate aucun cours. Apprendre le français lui a permis de construire une nouvelle vie. Vraiment, dès que je suis ici, ça m'a beaucoup aidé. Je sais lire. Je sais comment voyager avec les métros. En tout cas, ici, quand tu rentres ici, toute ta vie change. En plus de les accompagner dans le suivi de la scolarité de leurs enfants, les bénévoles organisent des sorties culturelles tous les trimestres. Prochain rendez-vous, une visite au centre Pompidou. Bon, au revoir. À la semaine prochaine. Radio Resto, les animateurs radio de France se mobilisent pour les Restos du Cœur. On est là et quel bonheur en tout cas de vous accompagner sur Radio Resto avec Sébastien Baucher. On l'évoquait juste avant Sébastien. Oui. Ça y est, vous avez mis les 25 euros. Ah, tiens, déjà, c'est si fait. Tu commences à me vouvoyer pendant l'émission, là j'ai 75 ans, donc t'es gentil. Pardon, pas j'essaye plus. Pas de rattraper Michel Drucker, donc un peu de respect pour les encore à peu près jeunes. Et oui, effectivement, promesse tenue. Je viens de balancer les 25 euros et de faire mon don sur le site de la radio, radio.restoducœur.org. Justement, pour être tenu de tout ce qui se passe sur le site, sur les dons, il y a aussi Franck Moillier qui est avec nous. Salut Franck. Salut Anne, salut Seb. Bon, justement, bonjour. Pour faire des dons, comment ça se passe? Alors, pour faire des dons, on va sur le site radio.restoducœur.org. On est à 392 035 avec le don de Seb. Ouais. Donc, n'hésitez pas, objectif 400 000 pour le moment, on est à 98%. Ouais, on va y arriver. Alors, je sais pas si vous avez vu, si vous êtes déjà passé par le site radio.restoducœur.org justement pour nous écouter ou pour suivre ce qui se passe. En fait, le... Comment dire, j'allais dire baromètre, pas vraiment. C'est un biberon. Oui, c'est un biberon, puisque là, on vous le dira tout à l'heure, hein, justement, on est très ciblé sur les bébés cette année autour de Radio Resto. Faites-moi péter le biberon des 400 000 euros, s'il vous plaît. Dégommez-moi la tétine. Enfin, si je puis dire. Mais oui, mais on adore. Jusqu'à 11h, justement, voilà. On va faire un tour de France, nous, tous ensemble. Une promesse, Seb, oui. Mettre en avant, justement, les initiatives régionales, départementales, des antennes des Restos du Cœur. Et c'est pour ça qu'on va faire le tour des locales du réseau de France Bleu. On sera en Bretagne dans ces prochaines minutes. J'attaquerai bien la journée par une petite galette saucisse. Donc on va aller à Rennes directement pour retrouver notre camarade Bastien Michel de France Bleu Armorique et on va discuter de tout ça avec lui dans un petit instant. Ouais, ça c'est formidable en tout cas. Et puis pour participer, si vous souhaitez nous rejoindre aussi, il y a un numéro, Franck. Il y a un numéro 01 850 90 600. Au standard, nous avons Andrea ce matin qui décrochera avec grand plaisir. On vous accueille évidemment si vous avez une belle initiative à porter dans votre région, dans votre département. On est bien ici. Attention au départ, c'est aussi le titre des Enfoirés pour vous accompagner. Franchement, on est hyper bien. On est ravis de vous accueillir ici sur Radio Resto. Les voici les Enfoirés. Il est pas bon le dimanche matin ? Oh, merci. Attention au départ, direction notre histoire. Larguer les amarres, 1, 2, 3, 4, pour un soir. Accorder les guitares, les violons, les regards. Suivez les candards, 1, 2, 3, 4, pour y croire. Je sais danser, moi je sais chanter. Et s'il fallait voler, j'essaierai, j'apprendrai. Moi je peux jouer. On est là pour faire ce tour de France sur Radio Resto avec les copains des antennes de France Bleu. Vous aviez envie de galettes saucisses. Tu avais envie parce que c'est vrai que ça donne justement tout à comprendre, à voir France Bleu Armorique parce que c'est la Bretagne qui est à l'honneur dans Radio Resto. C'est vrai que du coup, je suis en train d'hésiter entre galettes saucisses ou encore plus sucré Queen Yaman. Ah ben on va demander à Bastien Michel de France Bleu Armorique qui est avec nous. Salut Bastien. Allô. Salut Johan, salut l'équipe de Radio Resto. Salut Bastien. Vous entendez? Alors, on t'entend très bien. Super, super. À toute l'équipe. Bah, on est ravis en tout cas de t'accueillir. Ah, en plus, j'en ai pas au petit déjeuner le dimanche matin non plus. Bah, tu remplaces ça par une plaquette de beurre, ça fait la même chose hein, de toute façon, tu vois. Voilà, c'est le même principe. Bon, justement, Bastien, on parle de la mobilisation des Bretons ce matin parce que la Bretagne, allez, on va le dire, c'est la plus belle région du monde, ça on est d'accord. L'autre, il a été payé. J'ai envie de partir en vacances l'été prochain. Ouais. Bah, écoute. Les Bretons sont les meilleurs, ça sera aussi. Ça se confirme même dans le tissu associatif et notamment autour des Restos du Cœur. Rien qu'en Bretagne, on a quasiment 100 centres d'activité et centres itinérants autour des Restos du Cœur. Et il y a même des associations qui se sont créées rien que autour des Restos du Cœur, sans même faire partie en soi des restos. C'est l'histoire de cet ambassadeur, les Motards ont du cœur. Ça a été créé en 1993 et chaque année, il y a une grande balade à moto qui est organisée en Ille-et-Vilaine par ces Motards ont du cœur. Mmh. Et alors, moi, je suis pas motard, hein, mais on peut quand même y participer puisqu'on paie par casque 10 euros chacun, ensuite reversé intégralement, tant qu'à faire, au Resto du Cœur. Ce à quoi on ajoute tous les à côté. Ah, je viens de comprendre, on paye par casque, parce que j'étais en train de me dire, je croyais que c'était une méthode de paiement, mais non, c'est-à-dire que si tu es passager de la moto avec un biker, hop, tu payes aussi, et donc du coup, tu participes. Ok, je comprends. C'est ça. On peut prendre 3-4 casques dans l'absolu. Oui, t'as raison. Tout est faisable. Ou inviter Patricia. Patricia, pas de casque. Oh là là, il est fort. Bon, tu rajoutes aussi à tout ça la restauration, la buvette, les centaines de galettes saucées, ce que je te confirme. Ouais. Le total est calculé en fin de journée. Un chèque est remis le soir même au Resto du Cœur. Il y a le podium, il y a la musique, les applaudissements, tout le monde est content. Cette année, 11 000 euros ont été récupérés sur une seule journée par les Motards ont du Cœur pour les restos. C'était le 16 juin. Le président de l'association, Thierry Lenevez, nous raconte ça. C'est pas un nom, ce sont des motards assez confirmés, ou plutôt des jeunes motards, mais c'est un moment convivial où il y a une solidarité qui s'engage au profit des Restos du Cœur. Et c'est tellement une belle action que les participants sont heureux d'être présents. Là, cette année, on est parti du parc Expo de Vitré pour arriver sur la place du marché à Cesson-Sévigné. Et on avait du public au parc Expo de Vitré, en dehors des motards présents. On avait des animations, pas mal de... On avait 14 barnums ou 15 barnums de montée. On a assuré la restauration, les animations, avec différentes associations qui étaient présentes. Le club d'escrime de Vitré, un club de danse, de country dance du 53. Et puis aussi des stands sécurité routière et d'autres stands divers et variés qui ont permis d'animer, avant le départ, la journée du 16 juin 2024. Bastien, 11 000 euros cette année en réussissant à fédérer d'autres associations bretonnes. Non mais avouez que c'est hyper fort ça. C'est très fort, ça fait des balades en plus, donc ils font du tourisme et plein de dons, c'est incroyable. Et il y a un lien parfait avec quand même celui qui était à l'initiative des Restos du Cœur, Coluche, qui je vous rappelle était quand même un sacré motard. C'est clair. Clair. Fierté bretonne Bastien. Exactement. Bah, c'est comme ça, les Bretons, ils sont pas bêtes. Hein. Comment? Non, on est d'accord avec toi. Les Bretons sont là des cons, c'est ça. ça peut faire un parfait slogan. Les Motards ont du Cœur, moi je comprends rien à ce que vous dites. Ils ont créé à Redon en 1993. Et dès le début, c'était quelques motards. Ils étaient 2-3 copains. Je pense qu'il y avait effectivement une pensée. Ils avaient envie de faire quelque chose au profit des Restos du Cœur. Et alors, l'an prochain, ce sera la 30e édition, le 7 septembre 2025. Une centaine de kilomètres, comme ça, une grande ville. Ils nous prévoient de bien belles surprises. On va pouvoir se faire ça. Johan, je vous ferai monter sur ma Harley, on va voir comment on s'organise. Ah ouais, les inscriptions vont bientôt ouvrir. Et moi, je vous conseille de vous y préparer en regardant régulièrement leur site, lesmotardsontducœur.com. Alors, on peut venir le jour même, spontanément, le matin du 7 septembre. Mais le président m'a pris. Alors, on est en train de perdre notre copain Bastien quand même. Non, mais je pense qu'il est déjà parti sur sa moto. Oui, c'est ça, il est sur sa moto, il passe sous un tunnel. Non, mais Bastien, en tout cas, on a bien compris, lesmotardsontducœur.com pour trouver aussi toutes les infos. Et non, mais c'est hyper chouette, ça. Franchement, ça donne très envie. Seb, je suis certain que ça te tente. Je t'avoue que moi, tout ce qui est de roue, j'ai quand même un petit peu arrêté parce que moi, c'était pas la moto, c'était plutôt directement la trottinette, mais ça a failli me coûter la vie. Hein, tu vois, j'ai eu un gros accident de trottinette il y a quelques mois, ce qui est suivi une grosse opération. Et donc, je remercie ici sincèrement le chauffeur-livreur et j'ai envie de lui dire putain de camion. Non mais en tout cas, merci beaucoup. Merci Bastien, Michel. Et merci à l'équipe de France Bleu Armorique qui est également qui se mobilise vraiment avec les Restos du Cœur tout au long de l'année. Et on va continuer notre tour de France Bleu dans ces prochaines minutes puisque nous nous arrêterons cette fois-ci en région Touraine. Oui. Avec France Bleu Touraine, représenté par l'un de ses animateurs, et en l'occurrence Yann Meraki. N'oubliez pas qu'on continue à faire des dons et on attend justement votre participation pour faire au mieux au cours de cette 5e saison de Radio Resto. On vous accompagne comme ça jusqu'à 11h et vous, de votre côté, vous contentez de donner des sous pour les Restos du Cœur et pour les bébés des restos. Radio Resto, saison 5. Radio Resto avec le Tour de France, avec les locales de France Bleu qu'on vous propose jusqu'à 11h. On écoutait le titre Kids avec MGMT. Justement, Kids, c'est aussi l'ambition, Franck Mollier, cette année, de la part de Radio Resto, hein, de s'investir au profit des enfants, des bébés. Tout à fait, Johan. Aujourd'hui et durant tout le week-end. Tu peux me refaire tout à fait, Johan. Tout à fait, Johan, mais tout à fait, Seb. On aurait dû le garder, on aurait fait un jingle. Tout à fait, Johan. Et donc, cette année, on met en avant les kits bébés pour les dons. On rappelle, 50 000 euros récoltés, c'est 100 bébés accompagnés pendant un an. Parce qu'il faut le dire, il y a 126 000 bébés de 0 à 3 ans en précarité alimentaire. Et donc, c'est un risque majeur pour les tout-petits. Ouais, c'est ça. Et justement, il y a un palier à franchir. Là. Allez, on va essayer de le franchir avant 11h. 400 000 euros. Il reste un peu moins de 8 000 euros. C'est ça, 400 000 euros. Ça accompagne à peu près 800 bébés pendant un an. Donc, c'est un gros pas en avant quand même pour aider des tout-petits. Donc, c'est important. Radio.restoducœur.org. Et la page sera active pour les dons jusqu'à fin novembre. Oui. Parfait. Exactement. On se contente pas simplement de ce week-end spécialement en intention pour, ça veut rien dire du tout. Mais c'est dimanche matin. Non, mais je comprends. 9h22. C'est mais ça. Oui. Mais vous savez quoi? On va voir si en Touraine ils sont un peu plus réveillés. On va tenter le coup puisqu'on va rejoindre de suite l'équipe de France Bleu Touraine représentée par Yann Meraki. Salut Yann. Allô. Bonjour. À l'huile. Bonjour. Bonjour à tous. Comment tu vas? Radio Resto. Salut Johan. Salut Sébastien. Ben ça va très bien, impeccable. Bon. Alors France Bleu Touraine qui est toujours au cause. Pas très bien. Ben écoute, nous non plus on t'entend pas. Allô. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Ah, l'équipe de France Bleu Touraine qui est aux côtés des Restos du Cœur tout au long de l'année et d'ailleurs il y a toujours un week-end, enfin du moins une émission spéciale dans le courant de la saison qui se fait aux côtés des restos sur la région Touraine. Oui, alors une émission annuelle déjà où nous allons dans l'antenne locale, dans une des antennes locales pour interviewer bénévoles, bénéficiaires. Ouais. Et puis j'emmène un chef avec moi pour proposer des idées recettes pour cuisiner les produits qui sont collectés en général. Voilà, ça donne des petites idées pour pimper un peu les recettes des bénéficiaires. Bonne idée. Et puis on a aussi d'autres rendez-vous puisqu'on a un pas de Noël sans jouer. Ça, c'est tous les Noëls. Ça approche. À partir de fin novembre. Pardon? Ça approche, hein. Eh oui, ça approche, et carrément. Ouais, c'est fin novembre que ça commence, ça dure un mois. On collecte des jouets au profit justement des enfants des bénéficiaires. L'idée, c'est que voilà, tout le monde ait un petit jouet à Noël. Tous les ans, c'est plus de 3000 jouets qui sont récoltés quand même par le chalet France Bleu Touraine et Resto du Cœur 37. Ouais. Donc voilà, cette collecte dure un mois avec des jouets neufs, des jouets en très bonne qualité. L'idée, voilà, c'est de pouvoir gâter les enfants. Et puis enfin, troisième gros rendez-vous, c'est le pot-au-feu géant qu'on ne loupe jamais, qui a lieu fin février. Les commerçants de Touraine offrent des légumes, de la viande. Et puis la cuisine centrale de Tours, elle, prépare des barquettes repas pour un grand banquet le samedi midi en général, mais on peut quand même en commander pour en emmener chez soi. Mmh. Et l'idée là, c'est que chaque barquette repas, eh bien, chaque somme récoltée est reversée au profit des restos, évidemment. C'est génial. Là, c'est plus de 6000 portions vendues l'an dernier déjà, plus de 30 000 euros récoltés. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'on a un chef aussi, tous les ans, qui vient revisiter un peu ce pot-au-feu pour ceux qui voudraient avoir la version un peu ultime, j'ai envie de dire, où là, c'est un petit peu plus cher et ça permet de participer encore un petit peu plus. Et ce qui est génial, c'est qu'on a toujours des petites personnalités qui viennent nous voir, notamment Laurent Petit-Guillaume, qu'on connaît bien, Radio Resto, hein, quand même. Qui est de la région et qui passe nous rendre visite de temps en temps. Et puis Zaz également, ou alors bien sûr Romain Colucci qui lui ne loupe jamais l'occasion d'être présent et de pouvoir justement venir à notre micro et pouvoir parler des restos et nous permettre de relayer justement chaque grand moment où on peut participer justement, comme aujourd'hui, pour faire des dons, pour pouvoir faire avancer un petit peu la cause, j'ai envie de dire. Le fiston de Coluche qui participe à l'événement parce que justement il est installé en Touraine. Alors non, pas spécialement, mais il aime bien justement suivre un petit peu tout ce qui se passe et de temps en temps, notamment pour le pot-au-feu géant, en général il est relativement présent et il suit un petit peu cette grande action qui a lieu tous les ans justement et ça fait toujours plaisir de pouvoir le recevoir justement et de pouvoir avec lui continuer à engager un petit peu les personnes pour qu'elles puissent faire des dons, pour qu'elles puissent continuer justement à s'engager au profit des restos parce que malheureusement, eh bien on a encore besoin de tout le monde parce que les restos sont encore encore là. On aimerait que ça s'arrête, ça voudrait dire que c'est une bonne nouvelle, mais non, tant qu'ils sont là, bah, faut s'engager, faut donner. Et nous, avec France Bleu Touraine, on est justement très engagés avec les Restos du Cœur. Et puis, c'est normal, j'ai envie de dire, France Bleu, c'est la radio des restos, hein, Johan. Exactement. Donc voilà, on ne loupe pas une occasion de s'engager. Il y a ces trois grands moments, mais bien sûr, tout au long de l'année, on a des moments aussi où on relaie chaque initiative de l'antenne locale, l'antenne Indre-et-Loire, et puis notamment bientôt la collecte aussi. Hein, bien sûr. Mais c'est vrai que vous êtes là en plus. C'est vrai que les antennes aussi de France Bleu sont là pour donner la parole aussi aux bénévoles. Ça, c'est hyper important. Aux bénévoles, aux bénéficiaires aussi, bien sûr. Ouais. Oui, tout le monde est mis à l'honneur, justement. Et le micro se transmet pour pouvoir mettre en exergue toutes ces belles animations au profit des Restos du Cœur, accompagnées avec beaucoup de complicité par l'équipe de France Bleu Touraine qui était représentée ce matin par Yann Meraki sur Radio Resto. C'est un plaisir, en tout cas. Eh bien, plaisir partagé. C'était chouette de t'accueillir, Yann. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que ce que proposent les Restos du Cœur, un peu d'amour, un peu de tendresse aussi, ça fait du bien. C'est exactement ce que je pense. Edith Préto pour vous ici sur Radio Resto. Et beaucoup très tôt. C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi, tu courais toujours en vain. Ouais, tu aimais gagner ton temps. Dans les trop tard de tes 30 ans, ouais, tu étais déjà sous l'eau. Et tout l'apnée de ton dedans semblait te lancer des signaux. Tu changeais d'appartement pour une dixième fois peut-être. Tu te lavais dans les fêtes entre bureau et tristesse. C'était peut-être ça la vie, t'en étais persuadé aussi. Jusqu'à ce qu'enfin tu découvres qu'il existait l'amour. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes pour attraper le temps qui presse. Fermé sans sentiment, tu as tenu longtemps comme ça, à faire des petits bâtons de sang sur les murs de ton célibat. Puis si tu vois ce que tu rates, tu n'auras pas mon amour mille fois. Alors que le taf s'en relâche, tu pourras y revenir sans moi. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes pour attraper le temps qui presse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de Radio Resto, saison 5. Le Tour de France des initiatives des restos. On fait un tour des régions pour savoir ce qui se passe près de chez vous, les belles initiatives que vous portez. Vous êtes peut-être bénévole, d'ailleurs. N'hésitez pas à nous appeler ce matin. On vous accueille hein, sur Radio Resto. Franck, le numéro ? On appelle au 01 850 90 600. Et pour faire des dons ? Pour faire des dons, le site internet radio.restoducœur.com. radioresto.org et vous pouvez nous écouter donc sur le site et également sur l'application Radio Resto. Ouais. Sur l'appli aussi, on peut faire des dons. Hein. Exactement. Également. Ouais. Tu as testé d'ailleurs, Seb. Non, je suis passé par le site internet. En tout cas, j'ai bien balancé, comme j'avais promis tout à l'heure, les 25 euros, ce qui permet de faire grimper la cagnotte, qui se permet justement de mettre vraiment au mieux ce week-end spécial et cette cinquième saison de Radio Resto. Tu le disais à l'instant, Johan, on fait le tour des régions. Nous sommes passés par la Bretagne depuis 9h. Nous sommes passés également par la Touraine, là c'est direction le Cap à l'Est. On est cette fois-ci à Strasbourg avec France Bleu Alsace et Maxime Dillinger. Bonjour Maxime. Hey, salut à vous, comment ça va? Et bien, on fait comme un dimanche matin, ça change du comme à lundi, c'est bien. Eh oui. Bon, dis-nous, comment est-ce que vous vous mobilisez, vous, en Alsace? Parce que je sais que vous êtes très, très dynamique avec les Restos du Cœur, avec France Bleu Alsace. Et les antennes locales aussi des restos sont hyper dynamiques sur le territoire. Exactement, hein. La fédération notamment donc, du Bas-Rhin inclut aussi donc, celle du Haut-Rhin juste à côté. On fait partie des plus grosses associations hein, du réseau français, hein, réseau métropolitain. Et puis on tient aussi particulièrement à remercier hein, toutes les mobilisations qui ont été engagées l'année dernière, permis notamment à la fédération du Bas-Rhin eh bien, de recevoir un des véhicules, les fameuses camionnettes hein, qui ont été notamment recensées. Et eh bien, l'Alsace en a fait partie et on souhaitait quand même remercier eh bien, tous les donateurs aussi pour ça. L'Alsace, elle est vraiment généreuse. C'est pas une histoire de chauvinisme en fait. Hein. C'est pas vous dire ah vous êtes généreux. En fait, c'est des statistiques hein, qui ont été données par l'Observatoire de la Fondation de France et qui nous ont permis de comprendre que eh ben l'Alsace se place tout en haut vraiment en France avec quasiment 10% de plus que par exemple eh ben la seconde région qui est l'Aquitaine. On a 23% des frais qui sont donateurs en Alsace, avec à peu près 391 euros de moyenne. Alors c'est une moyenne. Ce que je veux dire par là, c'est pas non plus de dire oui, nous on donne plus. C'est que je crois, en essayant de comprendre le mécanisme, c'est que être généreux, ce n'est pas quelque chose qui est inné. On ne naît pas forcément généreux. C'est quelque chose qui se transmet, quelque chose qui s'apprend. Et je crois que vraiment chez nous, en Alsace, la générosité, c'est quelque chose de culturel qui s'entretient. Et chacun à son niveau. C'est pas forcément une histoire de quantité, une histoire de montant. C'est une histoire aussi de pouvoir faire les choses, qui se transmettent avec la famille, avec les amis. Et par l'intermédiaire de France Alsace, j'ai pu aller sur des lieux de collecte et rencontrer les donateurs à chaque année et de pouvoir échanger avec eux. Et pour eux, c'est une tradition. C'est on donne, on n'y réfléchit même plus, c'est comme ça, ça fait partie des habitudes culturelles en Alsace et c'est peut-être le message que nous d'Alsace on a envie d'envoyer au restant de la métropole, c'est parlez-en à vos amis, si vous êtes donateur probablement, si vous écoutez Radio Resto c'est parce que vous êtes impliqué aussi avec l'association, parlez-en autour de vous, parlez-en auprès de vos amis et puis transmettez ça aussi à vos enfants, c'est important d'être généreux à notre façon. Maxime c'est un super ambassadeur hein, franchement. Oui, non, mais il a raison parce que c'est aussi comme ça qu'on soutient les Restos du Cœur, c'est plus on en parle, plus il se passe des choses et plus il y a de donateurs, plus il y a de bénévoles pour pouvoir soutenir les bénéficiaires tout au long de l'année. Bravo, merci beaucoup hein, Maxime de nous avoir fait ce petit tour d'Alsace depuis Strasbourg. Moi je l'ai découvert, en fait je connais Maxime en tant qu'animateur, tu vois, mais là je l'ai découvert statisticien et philosophe un petit peu. J'aime beaucoup ses facettes, Maxime, merci. Passe un bon dimanche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce Tour de France. Bienvenue en Alsace. On a bien de vous voir. On finit l'émission et on prend la route. D'accord, on fait ça. Merci Maxime. À très bientôt et on salue tous les bénévoles hein, d'ailleurs partout en France, les bénévoles des Restos du Cœur et notamment ceux qui sont en Alsace. Franck. Et justement en parlant de bénévoles, on a autour de la table quelqu'un qui est très concerné. Oui, en tant que bénévole, Seb. C'est vrai, c'est gentil. Raconte-nous. Oui, ça fait maintenant 2 ans. Que je suis bénévole pour les Restos du Cœur. Moi, j'interviens le vendredi dans le 13e arrondissement, dans le centre Bédier, comme ça s'appelle. Et je participe avec l'équipe des bénévoles à la distribution des repas tous les vendredis. On attaque à 9h30, on prépare les plateaux repas, on prépare les couverts justement qui vont servir à la distribution des repas chauds, enfin du moins pour les bénéficiaires. On accueille le camion de livraison, on le vide, on met tout ça en place et après on accueille les bénéficiaires à partir de 11h qui ont jusqu'à jusqu'à 13h pour déjeuner et après on nettoie toute la salle et boum, c'est reparti jusqu'à la journée suivante dès le lendemain avec le reste de l'équipe des bénévoles. Ouais. Ouais. Mais il y a ce côté très logistique en fait qu'on comprend aussi dans cette mission-là, mais il y a aussi l'aspect humain. Dis-nous ce que ça représente aussi. Mais ce qui est génial, c'est que tu vois, tu as toujours un lien qui s'installe avec les bénéficiaires au fur et à mesure. Moi, je suis un peu le trublion de l'équipe, j'avoue, parce que moi, j'arrive avec ma petite enceinte portable et je mets toujours du son, du coup, dans le centre Bédier. Et alors, ils arrivent et c'est vrai que ça crée une sorte de chaleur, d'ambiance différente et ils sont trop contents parce qu'ils se disent, putain, on vient et en plus de ça, il y a de l'ambiance, on a des gens qui ont le sourire jusque derrière les oreilles et ça crée un lien vraiment génial avec les bénéficiaires chaque semaine, comme ouais. ça. Ouais. Non, mais c'est hyper important, Franck. Du coup, avec les bénéficiaires, tu parles de tout, pas spécialement de l'accompagnement. Ouais, y a plein de. On parle de l'accompagnement, bien sûr, parce qu'on est toujours à leur écoute pour pouvoir les aider au mieux. Mais ça permet aussi de déconner, comme j'aime le faire avec mes jeux de mots à deux balles ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça crée aussi cette discussion, cette ambiance constante et ce lien vraiment très fort qui se crée entre les bénéficiaires et avec les bénévoles. Ouais, et puis on pense aussi aux personnes qui font les maraudes aussi, qui accompagnent là aussi vraiment. Et d'ailleurs, tiens, Seb, si t'as un mot pour les auditeurs là qui sont avec nous, qui se disent, mais pourquoi pas aussi moi m'engager auprès des Restos du Cœur. Qu'est-ce que tu leur dis ? Eh bien, vous allez vous faire du bien, justement, parce que c'est vrai que, par exemple, vous avez du temps, vous travaillez seulement à mi-temps et vous avez du temps disponible, et à chaque fois, vous dites, je fais quoi ? Je lis un bouquin, je sors marcher dans le quartier, je regarde un film sur Netflix. Non, prenez du temps pour les Restos et vous allez voir, vous allez vous faire du bien à la tête. Et Seb, est-ce que tu peux nous expliquer comment la démarche pour être bénévole. Comment toi tu as fait ? C'est une très bonne question parce que ça remonte à 2 ans. Je pense que je suis passé directement par le site des Restos du Cœur. Okay. Ouais, il doit y avoir 2 pistes. Tu sais, il y a le site qui est mis en place par le gouvernement. Je donne de mon temps ou quelque chose comme ça. On vous donnera vraiment le site officiel tout à l'heure. Mais je pense que tout simplement, en passant par le site des Restos du Cœur, si j'ai bonne mémoire, il y a un onglet pour devenir bénévole. D'accord. Et donc là, vous envoyez simplement un mail. Ils sont ultra réactifs parce que je me souviens que quand moi je l'avais fait, je pense que dans les 2-3 heures qui ont suivi le petit mot que j'avais envoyé sur le site des restos, j'avais un appel et on me disait ok, vous êtes vous dans le 15e arrondissement de Paris, on a besoin de monde sur l'équipe du 13e arrondissement, vous pouvez attaquer dès mardi prochain et vous présenter à telle heure, à tel endroit. On me donne un lien du, on va dire, chef d'équipe des bénévoles du jour et boum, et ça a commencé comme ça. Ça se fait hyper facilement et surtout, comme je vous le disais, vous allez vous faire du bien parce que vous créez un tissu social nouveau, non seulement avec les bénévoles qui vous accompagneront et aussi avec les bénéficiaires. Ouais, c'est clairement une grande famille en plus, comme ça qu'on rejoint avec les Restos du Cœur. Et nous, on fait ce grand tour de France jusqu'à 11h pour aller bien à la découverte, à votre rencontre aussi, pour mettre en avant les initiatives locales. Peut-être que vous faites partie d'une antenne locale des Restos, d'une antenne départementale. Ah ouais, n'hésitez pas à nous appeler ce matin, on a aussi envie de vous entendre, que vous partagez votre expérience. Franck, le numéro ? Appelez-nous au 01 850 90 600 et Andrea au standard vous répondra avec plaisir. On va mettre de la couleur dans votre dimanche matin dans ces prochaines minutes. Le Tour de France bleu d'abord, mais aussi du noir, du vert, du blanc et du pourpre. Les 4 couleurs du Périgord. On va rejoindre justement l'équipe de France Bleu Périgord dans ces prochaines minutes et ce sera avec vous sur Radio Resto. Merci d'être avec nous ce dimanche matin. Une chanson qui dirait le début et la fin, le chagrin inouï et les joies éternelles, le passé incomplet, l'avenir incertain, ici un coup de feu, là un battement d'aile, toutes les régressions, toutes les avancées, les mains qui se frôlent sur la banquette arrière, les premières amours et les derniers baisers, le début du parcours et la fin d'une guerre. Une chanson qui dirait l'entrée et la sortie, la rage indélébile et la paix qui sommeille, la minute de trop, soudain tout vacille et les heures infinies à fixer le soleil, les écrans que l'on brise et ce que l'on réclame, tout seul à la séance, un soir de nouvel an, la détresse d'un rire, la puissance d'un drame, en un mot la magie d'être toujours vivant, l'énigme profonde, l'intime et le monde, l'énigme profonde. Une chanson qui dirait la nuit qui se déhanche et le jour qui se lève, la tête dans les mains, les vitrines en miettes et le vent dans les branches, les révoltes d'hier et celles de demain, l'adolescence fiévreuse noircissant chaque page pour échapper au cage que déjà elle pressent, la vieillesse implorant qu'il y ait dans les parages des passants pour lui dire l'heure qu'il est maintenant, une chanson qui dirait la Méditerranée, les rêves qui prennent l'eau et l'été qui revient, les mêmes affrontements depuis l'éternité, la hache de l'histoire qui brise les destins, la redance d'en haut et la colère d'en bas, les étoiles qui brûlent au-dessus du chaos, les navires immobiles sous le ciel d'Odessa, et Téhéran debout qui chante Bella Ciao. L'énigme profonde, l'intime et le monde, l'énigme profonde. Chanson qui dirait les mains qui se détachent, le cœur qui ne bat plus comme au premier matin, les chutes qui s'imposent, les victoires qu'on arrache, les voix que l'on oublie et les mots qu'on retient, le désir d'être seul dans une ville inventée, puis d'être auprès des siens parce que tout part en vrille, une partie d'échec au bistrot d'à côté, la violence des frontières, la beauté des pays, le courage de faire et celui de défaire, avoir été si loin et tout recommencer, l'espérance d'une sœur, l'espérance d'un frère, sentir que tout s'écroule et quand même chanter, cette foule euphorique pour un match de foot, la cour de récré à 8h du matin, le chant des certitudes, le vacarme du doute, l'infini de la route, et tes yeux dans les miens, l'énigme profonde, l'intime et le monde, l'énigme profonde, l'intime et le monde. Tout ce week-end, plus de 40 animateurs se réunissent pour la 5e édition de Radio Resto. Objectif, financer le maximum de kits bébés. Oh oui, et nouvel objectif, Franck, 400 000. Il y a ce palier c'est qu'on doit bientôt, franchir. C'est un ouais. palier, il reste 2% seulement du biberon. Ouais, mais franchement, on va les franchir. Oh, allez, on va les franchir. On se lance un défi, franchir les 400 000 avant 11h. Le biberon va déborder. Allez. Allez, on fait ça. En tout cas, on est là pour le grand Tour de France en bleu, justement, avec l'appui des copains, des locales de France Bleu qui mettent en avant, qui soutiennent aussi au quotidien les antennes locales des Restos du Cœur, les belles initiatives portées par les bénévoles qui sont nombreux. On vous salue d'ailleurs si vous faites partie des Restos du Cœur. N'hésitez pas d'ailleurs à nous appeler aussi pour nous rejoindre ce matin. On a aussi envie de vous entendre, 01 850 90 600. Et puis, on prend la direction de la Dordogne. Ce matin, avec Benoît Chaumeau de France Bleu Périgord. Salut Benoît. Salut Johan, salut Sébastien, salut tout le monde. Bonjour, bienvenue parmi nous, en direct justement sur Radio Resto. Et apparemment, t'es pas venu tout seul parce qu'il y a la responsable de l'atelier Jouets pour enfants des Restos. Ouais, exactement, parce qu'en fait, ici, Noël, ça se prépare toute l'année. En fait, moi, je suis à côté de Périgueux, à Coulounier-Chamiers, au siège départemental des Restos du Cœur. Ok, rappelle-nous la date de Noël, déjà, on oublie à chaque fois. C'est autour du 25 décembre. C'est ouais. Et je crois que c'est tous les ans pareil, d'ailleurs, il me semble. Ouais. C'est fou, hasard du calendrier. C'est dingue. Même les années de bisextile. Oui, ouais, c'est fou. Même les années bisexuelles. Ouais, aussi. Exactement. Raconte tout ce qui s'y fait, d'ailleurs. En fait, c'est un immense entrepôt et à côté de moi, il y a Daniel qui m'a donné rendez-vous ici ce matin parce que c'est elle qui chapeaute toute la partie cadeau de Noël des enfants des restos. Bonjour Daniel. Bonjour tout le monde. Daniel, il se passe quoi ici exactement? Ah, c'est un secret. Oh ben non. On vous a appelé exprès. On va les jouer. C'est-à-dire qu'on a des collectes, on lance des collectes. France Bleu l'a fait l'année dernière en même temps. Et en fait... on récupère tous les colis, tous les cadeaux, et nous, on transforme ça en colis. Donc, on met 4 jouets plus une peluche dans les colis. Et en fait, on dispatche ça après. Quand on a fait, je suis chapeautée par 7 petits lutins, des bénévoles. C'est mignon. Et, on prépare ça toute l'année. Et on envoie ça dans des centres, 27 centres nous avons. Plus cette année, nous en avons 8 de plus avec le camion itinérant qui traverse les campagnes. Et en fait, toute l'année, on prépare, on nettoie, on est un peu les lutins de Noël, ça veut dire ce que ça veut dire, et ben oui. En fait, on est occupé toute l'année. Et ça représente combien d'enfants à peu près sur le département de la Dordogne? Nous, on envoie à peu près, globalement, 1000 cadeaux par an. Ouais, donc ça fait du monde. Et ça augmente effectivement. Donc il y a des entreprises, des particuliers qui vous donnent, des collectes qui sont organisées. Il y a un petit rappel que vous vouliez faire, Daniel, ce matin, qui est important. On donne pas n'importe quoi, on donne des jouets en bon état. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'on a malheureusement beaucoup, beaucoup de dons que nous, on peut pas se servir. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'un cadeau de Noël, c'est un cadeau qui doit être propre. Pas forcément neuf, mais que l'enfant va recevoir. Oui. Et on ne peut pas donner quelque chose qui n'est pas propre ni beau à un enfant. On a besoin de quelque chose qui fasse rêver un peu. Et c'est vrai que quand on va dans les collèges, on voit les enfants qui amènent leurs jouets. Et ça, c'est trop beau parce qu'ils ont une histoire derrière. Et quand ils nous la racontent, évidemment, voilà, c'est chouette, quoi. C'est vraiment très chouette. Donc voilà, Johan, Seb, il ne faut pas hésiter à prendre une demi-heure de son temps un week-end là, avant la fin de l'année pour trier un peu ce qu'il y a dans le grenier. Ça peut toujours faire plaisir à des enfants. Vraiment. Si on a des mais dans le grenier ou alors dans la chambre directement, ouais. J'ai envie de te dire, parce que... Ça sent le vécu, Seb. Oui, ça mais c'est exactement ça. Moi, je vous parle en tant que papa, là. Maxime, je suis justement en train de faire le poids avec ma fille sur les jouets qu'elle a dans sa chambre. Et c'est vrai que le Père Noël est généreux et il y a souvent des jouets qui sont là et qui servent beaucoup pour la déco, ouais. Plus que de servir pour de bon, tu vois. Et du coup, j'en discutais avec Lou, ma petite, et je lui disais, ça, tu l'utilises pas vraiment, et ça pourrait être donné à des enfants qui en ont besoin, qui n'ont pas forcément le Père Noël qui passe chez eux chaque année et qui apporte beaucoup, beaucoup de cadeaux. Donc, plus que tu l'utilises pas, on va le laisser de côté, c'est en bon état, et on va le donner au Resto du Cœur, et ça va permettre de faire des cadeaux à d'autres enfants. Elle réagit comment, d'ailleurs, Lou, quand tu lui dis ça? Elle est très contente, mais elle me dit, par contre, je garde mon cheval Maximus. Elle a, dans la chambre, elle a une sorte de poney, quoi, enfin, tu vois. Canon, ça, ouais. Le cheval Maximus du film Réponse de Disney. Il fait vraiment limite. Tu vois la taille, un dog allemand? Oui. Et ben, la même. Sauf que ça prend la moitié de la chambre. Tu vois, et que je me bats chaque année en disant, tu veux pas qu'on donne Maximus à quelqu'un? Et il dit, non, pas celui-là. Et du coup, Maximus, c'est Lou qui fait la poussière ou c'est toi dessus? Non, en plus de ça, j'allais dire, qui fait le ménage? Non, en plus de ça, j'ai réussi à bien l'éduquer, ma fille, et elle prend non, je peux pas le citer la marque, le balai à poussière, okay. Là, comme ouais, ça. On voit. Et elle fait toute la poussière de sa chambre. Elle est canon, Donc Maximus est propre. T'es peut-être de l'autre côté de la radio, Malou, en ce moment. Je te fais de gros bisous. Oui, papa, il t'aime fort. Benoît, toi, t'as des choses à donner cette année, des jouets peut-être à l'antenne, justement des restos à Coulonnier-Chamier. Ouais, j'ai fait le tri. Alors, j'ai fait pas mal de fois qu'on en a organisé avec en France Bleu, ici une collecte de jouets, je vais redistribuer au resto. Mais en fait, c'est tout bête, mais on a des choses qui traînent, on les voit même plus dans la maison. Alors ouais. Que clairement, ça peut faire un joli cadeau pour les enfants. Et c'est pour ça, vraiment, pensez-y, c'est une super idée. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, ne donne pas ton téléphone portable au resto parce qu'il galère un petit peu. Donc, mais non, c'est un peu compliqué. Il faut qu'on arrête de les tailler parce que, en fait, ça vient de nous. Hein. Mais soyons très honnêtes. Ouais. Depuis le début de cette cinquième saison des Restos du Cœur, on a un petit peu de difficulté avec les connexions téléphonique, mais bon, on s'en sort de toute façon, et vous êtes de l'autre côté en train de vous dire, écoute, on fait avec les moyens du bord, mais en tout cas, on est là aux côtés de Radio Resto pour cette cinquième saison. On va te souhaiter de passer un bon dimanche, Benoît, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Benoît, de France Bleu Périgord. C'était chouette. Benoît Chameau, passe une bonne journée, ouais, et dans un instant, on va continuer notre tour de France Bleu, direction cette fois-ci le Nord. On était à l'Est, on va monter tout en haut de la France pour rejoindre Laurent Dereux et parler d'une autre initiative justement qui se fait cette fois-ci sur la région Nord. Merci beaucoup de passer ce dimanche matin avec nous sur le Fury Place. Oula, j'ai senti quelque chose arriver sur Radio Resto. Exactement. On vous accompagne en musique avec Gorillaz tout de suite. Belle matinée, 9h49, Silent Running. Machine assisted, I disappear. Radio Resto saison 5, ensemble. Ensemble pour financer le maximum de kits bébés. Yes. On est super bien ensemble ce matin. Jusqu'à 11h, on fait ce tour de France justement pour mettre en avant les initiatives de vos antennes locales, des Restos du Cœur, avec l'appui des copains de France Bleu. On parle aussi de cette importance de faire des dons. Il y a ce palier qu'on doit franchir avant 11h, 400 000 euros. Seb, on lance un défi d'ailleurs pour d'ici là. Allez. 400 000 euros. Si on franchit les 400 000 euros, qu'est-ce qu'on tu fait? Tu te mets tout nu. Allez, parfait. Exactement. Merde, j'ai dit oui. Bon, Franck, il faut aussi spécifier qu'on fait des dons, ça c'est vrai, mais il y a aussi une partie qui est défiscalisée, c'est absolument la loi Coluche. Absolument, c'est la loi Coluche. Donc vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu correspondant à peu près 75% de votre don. C'est-à-dire que vous faites un don de 100 euros, il vous coûte en réalité 25 euros. 25 euros, c'est un bébé accompagné pendant 3 mois. Donc faut pas hésiter, tous les dons sont intéressants, bien entendu, 100 euros, mais également 1 euro. Ouais, bien sûr. Donc la loi Coluche, 75% est déduit, donc ça vous coûte quand même beaucoup moins que les 100 euros potentiels. Alors vous avez entendu, hein, justement, ça va permettre de financer des kits bébés. C'est quoi le kit bébé? Et ben, à l'intérieur, il y a des couches, il y a du lait infantile, il y a des petits pots, il y a de l'alimentation et des soins qui sont vraiment adaptés aux enfants en très bas âge. On est vraiment sur la fourchette des 0-3 ans, hein, pour des vrais bébés, c'est-à-dire. Ouais, complètement. Allez, si je vous lance une petite question là, ce matin. Vas-y. 26 septembre 85, ça vous parle? Oui, c'est le lancement des Restos du Cœur. Attends, c'est pas le lancement des Restos, c'est le jour. Coluche, c'est le jour parle des Restos du Cœur sur Europe 1 et en disant tiens, on va peut-être lancer une grande cantine géante, etc. C'est ça, il y a 39 ans, les gars, il y a 39 ans. Exactement. Et on est là, on continue en tout cas aussi de porter ce message grâce à Radio Resto. Vraiment, c'est un bel événement qui est porté notamment par l'ami Laurent Petit-Guillaume. Ouais. Et n'hésitez pas d'ailleurs, vous aussi, on vous attend ici à l'antenne 01 850 90 600. Et alors tu fais le lien justement avec ce qui s'est passé ce 26 septembre 1985. Le micro, comme on appelle ça nous en radio, ce moment de radio, il est disponible sur internet, il est très facile à trouver. Je vous avoue que je l'ai réécouté là dans la semaine avant d'arriver justement à Radio Resto. Franchement, ça fout les poils d'entendre Coluche lancer ce truc-là et se dire que 35 ans après, on en est encore là. C'est un moment d'histoire de notre média. Oui, exactement. C'est ça. Ouais, mais oui, on s'engage, on est là aussi pour s'engager, pour soutenir de nobles causes comme les Restos du Cœur avec tous ces animateurs qui sont présents durant tout ce week-end, 48 heures de radio non-stop. Avouez que c'est un sacré défi et c'est très chouette. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre pour le partager, ce défi. On sera dans les prochaines minutes, notamment à Lille avec un certain copain que vous connaissez, Seb. Oui, on a bossé ensemble. Bah, ça c'est beau, voilà, les retrouvailles. On vous accompagne aussi en musique avec Benjamin Biolay, comme une voiture volée, et on attend de faire péter ce score des 400 000 euros. Direction France Bleu Nord dans ces prochaines minutes pour rejoindre en effet Laurent Dereux. On est ensemble comme ça jusqu'à 11h sur Radio Resto, et il y a aussi tous les copains qui vont vous accompagner pour cette déjà, mine de rien, dernière journée de cette cinquième saison de Radio Resto. Aucun, même pas maquillé, t'es belle. t'es toute ma vie, que t'es mon soleil, mon rubis, que moi je suis facile, que je m'allonge tranquille, que je suis soumis, que t'es toute ma mort. Je t'avais rencontré avant, oh, quand j'étais jeune et charmant. Comme une voiture volée avec Benjamin Biolay sur Radio Resto. On continue le Tour de France des belles initiatives de nos régions dans un instant. Mais d'abord, il est 10h sur Radio Resto. Place aux 2 minutes d'info, reportage réalisé par les élèves d'Igentia. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Dans les centres des Restos du Cœur, beaucoup des bénévoles sont des femmes. Elles sont mères de famille, retraitées ou plus jeunes. Je m'appelle Gabrielle et avec ma consœur Clara, nous sommes allées à la rencontre de ces femmes au Restos du Cœur de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Ah bonjour monsieur, vous allez bien ? Oui, ça fait longtemps qu'elle fait partie des Restos du Cœur, mais elle est plus vieille que moi, c'est normal. À Gennevilliers, tout le monde connaît Françoise. Cette retraitée est là depuis 25 ans. Un petit bout de femme dynamique de 83 ans. Quand on s'arrête de travailler comme ça, d'un seul coup, on a besoin de voir autre chose et puis de pouvoir s'occuper des gens qui ont besoin. Ça me manque, moi, quand je viens pas. Pendant 2 mois, là, j'ai déprimé un peu, parce que j'ai pas pu partir. Les femmes sont les plus exposées à la précarité. Mais ce sont aussi celles qui s'engagent le plus malgré une baisse d'effectifs au sein des bénévoles des Restos du Cœur. Certaines anciennes bénéficiaires sont devenues bénévoles. C'est le cas de Narine, une jeune arménienne de 30 ans qui tenait à rendre l'appareil. Elle m'a aidé avec ça. Je suis venue jusqu'à quand moi, il n'y a pas de papier. Je suis venue ici aider Restos du Cœur. Moi, comme toutes les personnes, je prends pour moi aussi les fruits, les légumes, c'est tout. Et après, j'ai resté pour aider bénéficier. En France, s'il n'y a pas de papier, travaille pas, tu as besoin d'aider. Je suis très contente parce qu'ici, je parle français. Ici, je comprends tout. Et je suis très contente. Comme je regardais, il n'y a personne qui vient triste. Comme tu as sourire, y compris comme vraiment ici, c'est très bien. Dans la file d'attente, Rafika, mère de 2 enfants, attend patiemment son tour, un caddie à la main. Oui, ça fait longtemps, depuis 2019. Chaque mois, normalement, on prend du truc, ça nous aide un petit peu. Oui, maman de 2 enfants, 9 ans et 11 ans. Je travaille pas, si je travaille, je n'aurai pas le temps pour venir. On voit la différence au juillet, août, quand il n'y a pas de Resto du Cœur, bah, ça c'est un peu difficile. Mon mari qui travaille, juste moi, je travaille pas. Et vous connaissez les sans-papiers, c'est des travaux sans déclarer, c'est-à-dire c'est pas un salaire fixe. C'est pour ça qu'il faut toujours aider à ramener des trucs comme ça. 25% des bénéficiaires des Restos du Cœur sont des familles monoparentales, principalement des mères isolées. Radio Resto, saison 5. La saison 5 qui bat son plein jusqu'à ce soir. On vous accompagne, nous, avec Seb Bauchet, avec Franck Mollier, jusqu'à 11h pour ce grand Tour de France des initiatives. On va à votre rencontre, on vient dénicher ce que vous faites aussi, mettre en avant ce que vous faites avec les antennes des Restos du Cœur à travers nos régions et grâce à l'appui des copains de France Bleu. On est un petit peu ce matin les trois mousquetaires ensemble. Oh l'autre, oh, c'est oh, beau. L'autre. Non mais franchement, non mais attendez. Portos, ça... Du coup, t'es lequel, Seb ? Oui, attends, mais je cherche le troisième. J'en oublie toujours un. Porthos, Aramis et... Porto, ça. Bernardo, ça, non, ça, non, c'est dangereux. C'est dangereux. Je sais plus. Eh ben, aidez-nous. On sèche là sur les trois mousquetaires. 01 850 90 600. Comme ça, ça vous permet de venir faire de la radio avec nous pour cette cinquième saison des Restos du Cœur, de Radio Resto, au profit des Restos du Cœur. Et ben là, on va prendre la direction du Schnorr. Ouais, dans un instant. Dans un instant. Dans un instant. Ah oui, c'est pas tout de suite. Non, mais attendez. Non. Mais oui. Mais vous emballez, tu t'emballes. Non, mais comme je suis ça, comme un chien fou. Non, mais je dimanche comprends. Matin, tu me lâches comme ça. Tu me lâches dans le bois de Vincennes, je te fais deux tours. Tout doux, bijoux, tout doux. Non, mais oui. Un mot quand même, Franck, aussi pour faire des dons. On est à 393 180 euros. C'est ça, ça avance. On s'approche des 400 000. On s'approche des 100% du biberon. On va le faire déborder. Faites-moi péter la tétine. Yes. Et pour faire des dons, radio.restoducœur.org ou l'application Radio Resto, et vous pouvez nous écouter également sur Radio Player. Ouais, Sabi va être intenable pendant les trois prochaines minutes parce qu'on retrouve un copain de France Bleu Nord, Laurent Dereux, pour aller découvrir aussi les belles initiatives portées par justement les restos dans les Hauts-de-France. Mais juste avant, on se fait plaisir aussi avec les Enfoirés et le titre Rêvons ici sur Radio Resto jusqu'à 11h. Et ben rêvons ensemble, on peut rêver que ça pète le score. On veut faire le bien, on ne sait pas bien comment faire. Mais faut plus se taire. Ça n'a l'air de rien. Mais regardez la misère. Pour la mettre à terre. Impuissant, plus jamais non. Il suffit de pas grand chose au fond pour qu'un puissant fasse des millions. Qu'est-ce qu'on attend pour la faire, notre révolution? Pourvu qu'on s'aime. Et qu'on le sème. Pour que les rêves deviennent révolution. Faut qu'on la prenne. C'est un cri d'amour qui compte pour faire bouger la ronde. Impuissant, puis des millions. Avec la force du nombre, on fait de rien. Puissant, puis des sillons. Pour tracer sur notre route une révolution. Pour que qu'on s'aime et qu'on le sème. Pour que les rêves deviennent révolution. Faut qu'on la prenne, qu'on le retienne. Les gens qui rêvent. Qu'on s'aime et qu'on le sème. Que les rêves deviennent révolution. Faut qu'on l'apprenne, qu'on le retienne. Les gens qui rêvent font des révolutions. Faut qu'on se lève, qu'on se soulève. Faire de ce chant notre résolution. Le dire sans trêve sur toutes les lèvres. Pour élire notre révolution. Résolution. Radio Resto, saison 5, les plus grands animateurs radio de France se mobilisent pour la petite enfance. Attends, on va tout vous dire, on s'est fait un petit challenge entre nous là sur le disque. Oui, oui, de reconnaître toutes les voix des chanteurs. On était plutôt pas mal quand c'était même. Le, c'était le Kiki chante. Oui. Ça aurait pu être le Kiki donc à l'époque de Max sur Fun Radio dans le courant des années 90. Là, c'était le Kiki chante. Bah, ça, c'est bon. Bon, Kiki est avec nous. On prend la direction du Nord. On prend la direction de Lille ce matin puisqu'on c'est met en avant. Nord. Mais oui, c'est le Schnorr ici. Et on va retrouver Laurent Dereux de France Bleu Nord qui est avec nous. Salut Laurent. Bonjour les amis, merci bonjour pour ce bon moment extraordinaire que vous nous proposez. D'ailleurs, depuis vendredi, on peut faire le qui parle. Ah ouais, t'as raison. C'est vrai, oui. Très bon jeu. Je suis trop content de retrouver Laurent. Je vous livre la petite histoire. Ah. Moi, aujourd'hui et depuis 10 ans, je travaille pour Rire et Chanson. Ouais. Et il y a 10 ans, je travaillais pour France Bleu Paris, ouais. En l'occurrence, et un peu de Natio aussi. Et parmi mes camarades de jeu, justement, au micro de France Bleu, il y avait Laurent Dereux. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Bah, c'est aujourd'hui. C'est beau. De l'émotion, Laurent, ce matin. Énormément d'émotions, mais je vous écoute, mais c'est génial. Beaucoup d'émotions ce matin sur Radio Resto. Salut le petit loup. C'est vrai que on a travaillé un petit moment ensemble, ouais. C'est très sympa. Surtout le week-end. Mais il y avait une ambiance différente le week-end. Ah, c'était autre chose. Bah, c'était cool, il n'y avait pas de patron, donc du coup, on était à la cool. C'était n'importe quoi. Bon, Laurent, tu es avec nous pour participer à Radio Resto, parce que c'est vrai que le Nord, les Hauts-de-France sont hyper mobilisés. Et on parle de la générosité des gens du Nord. C'est clairement le cas. Tu le confirmes, tu le vois chaque jour. Générosité et convivialité. Exemple, la Braderie de Lille, tu connais bien, oui. Joanne, tu étais avec nous l'année dernière. Ouais. La Braderie de Lille, c'était il y a 2 semaines, qui était un petit peu décalée pour cause de JO. Le lundi, justement, la Braderie de Lille. Pour cause de quoi? Comment? Pour cause de quoi c'était décalé? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah, c'était le petit tournoi sportif, là, qui était. Ah oui, d'accord, exactement. Ok, c'est bon, j'ai. Tout à fait. Donc là, cette année, c'était mi-septembre. Et donc, je rappelle, la Braderie de Lille, c'est 2 millions de personnes. Enfin, c'est la moule frite qui est évidemment le grand rendez-vous important pour la Braderie. Je l'ai jamais fait, ça donne trop envie. Ça, tellement, ça a l'air complètement fou, ça. Il faut venir, c'est un grand, grand moment. C'est un moment convivial et extraordinaire. Donc, moule frite. Il y a pas mal d'invendus, évidemment, à la fin de la Braderie. Ouais. Et il y a une association qui s'appelle Linky, qui est allée faire le tour des restaurants, qui a récupéré les invendus. Ils se sont trouvés dans un gros resto de Lille qui s'appelle La Chicorée. Et ils ont fait un immense repas solidaire le lundi, avec plus de 200 personnes, des restaurants du cœur, mais aussi d'autres associations, où tout le monde a pu profiter de la moule frite. Ben voilà, c'est ça la générosité du Nord. C'est, on se retrouve, on fait la fête, parce qu'il y a eu aussi la fête, et c'était un vrai moment sympa. Donc ça, c'était lundi 16. C'est vrai que la convivialité chez nous, eh ben c'est un mot important qui a du sens, qui a une valeur très particulière parce qu'on est dans une région qui a beaucoup souffert, le Nord. Je vous ferai pas tout l'historique. Oui, à cause de la météo, coup, c'est ça. Voilà, exactement. et en fait, extraordinaire, c'est que chez nous, générosité, ce qu'ils essayent de faire. Alors, Laurent, ça va être compliqué. Il y a un petit nuage, je pense, qui passe au-dessus des Hauts-de-France. Ce sont les aléas du direct. Mais ne vous inquiétez pas, on va gérer ça de suite. On va stabiliser la ligne avec Laurent Dereux. Mais alors, attends, tu fais quel, parce que tout à l'heure, il y avait du Nikos. Là, je trouve qu'il y a un peu de Jean-Luc Reichmann. Ah, ça pourrait être ça. Mais oui. Attends, oui, non, mais je me suis cassé la gueule à faire la dernière. À essayer d'imiter Jean-Luc Reichmann, on m'avait dit fais attention à la marche, et pour autant je me l'ai surprise. Donc, Est-ce que Laurent est là? Oui, Laurent, tu es là, ouais. Parfait. Mais d'ailleurs, j'ai une question pour toi, parce que je crois savoir que les restos dans le Nord, c'est la plus grosse fédération de France. Oui, effectivement, avec beaucoup de centres rien que dans le département du Nord. Il faut savoir qu'à Lille, Douai, il y a 83 centres, 70 dans le Valenciennois, 40 dans le Dunkerquois, ce qui explique les besoins qui sont énormes dans le département du Nord. Et sachez que le 11, le 12 et le 13 octobre prochain, il y aura une collecte dans tous les supermarchés de la région. Eh oui, mais ce sera la collecte nationale des Restos du Cœur, de toute façon, je crois, ce week-end-là. Alors, je ne vous entends plus. Allô, Paris. Allô, je ne vous entends plus, Guy, on m'a cassé mes lunettes. Ça y est, je l'ai retrouvé. je disais, le week-end dont tu parles, du 12 octobre, là, c'est la collecte nationale des Restos du Cœur. Oui, mais dans notre département, si tu veux, il va y avoir beaucoup de lieux de collecte. Et du coup, on a besoin d'énormément de bénévoles pour rejoindre toutes les équipes des Restaurants du Cœur. Et ben, dans ce cas-là, vous passez directement par le site des Restos du Cœur. Vous allez voir, il y a un onglet qui est de mémoire sur le tout haut de la page. Et vous pouvez justement cliquer pour devenir bénévole pour les Restos du Cœur. Faites-le justement pour ce week-end spécial dans le Nord. Mais vous contentez pas de ce simple week-end. Une fois que vous avez rejoint la bande des bénévoles, bénévoles des restos. Restez-y, parce qu'on a toujours besoin de vous. On compte sur vous de toutes les façons. Tu parlais de ces lieux de collecte. Il y a aussi des lieux de convivialité hein, qui sont mis en place tout au long de l'année et qui sont pas que des lieux de distribution de repas. C'est vraiment des lieux de rencontre. C'est un peu l'idée des Restaurants du Cœur ici. C'est pas seulement la distribution des repas, c'est effectivement la mise en place dans la majorité des lieux ici, de lieux de rencontre où on peut retrouver un espace pour boire un café, on peut retrouver des espaces de jeu pour les enfants, on peut aussi rencontrer des gens pour le bien-être. Et le bien-être, mais de rappeler que les bonnes sont les bienvenues au Resto du Cœur, parce qu'il y a des bénévoles pour la distribution. Laurent, aussi des médecins. On va couper parce que c'est un petit peu compliqué au niveau de la liaison avec toi, mais c'est vrai que ce que l'on comprend, c'est que on recherche des bénévoles oui. pour aussi accompagner. Un mot sur la collecte nationale. Oui, effectivement, parce que je pensais que la collecte nationale se faisait sur le week-end, justement, dont parlait Laurent Dereux à l'instant, pour cette collecte vraiment sur la région du Nord, les 11, 12 et 13 octobre prochains. C'est au mois de mars, au final, la collecte nationale, comme on nous l'a indiqué dans l'oreillette de Jean-Luc Delarue. Bah, attendez, parce que je suis en train de regarder là sur le site Radio Resto. On est à combien ? On a franchi, on a 99%. Un petit pourcent. Oui, on est à 395 860 euros sur notre objectif de 400 000 euros. Ah ouais. On rappelle, Franck, justement. On rappelle, pour faire un don, le site internet radio.restoducœur.org ou l'application Radio Resto. Et ça sera, donc la Radio Resto, c'est jusqu'à 20h ce soir, mais vous pourrez faire des dons jusqu'à fin novembre. Et nous, on est ensemble avec vous là jusqu'à 11h pour faire ce tour de France bleue et des différentes locales du réseau de France bleue. On aimerait vraiment pouvoir passer ce palier avec vous d'ici 11h. Il reste 45 minutes pour effectuer vos dons et qu'on fasse péter un nouveau biberon, exploser une nouvelle tétine et pouvoir passer une petite musique qu'on aime bien mettre quand on a célébré quelque chose de particulier. Ça, c'est clair, ça c'est beau. Justement, on va retrouver le copain Grégory Régnier de France Bleu Maine dans un instant, mon fils. Au Mans. C'est vrai que Franck disait que c'était un petit peu la tournée de la bouffe aussi pour nous, parce qu'avec les moules frites, on avait le Périgord et le pot-au-feu, c'est vrai. Et ben, on va continuer dans un instant avec la rillette. Tout de suite, c'est Games of Flux et c'est Parcells sur Radio Resto. You sold it slower to find your hesitated over love, now you're taking over us. Cause you waited long enough, hesitated over love, now you're taking over. Oh, Radio Resto, saison 5. Avec le Tour de France Bleu jusqu'à 11h, on vient à votre rencontre avec l'appui des locales de France Bleu. On est on met du bleu dans votre dimanche. Mais exactement, et ça c'est ce qu'on aime justement, ouais. Colorer un petit peu votre vie. Et on est avec Grégory Régnier de France Bleu Maine, c'est au Mans. Salut Greg. Salut les amis, grâce à vous on fait risette au pays des rillettes le dimanche. Oh, oh là là, bravo. Écoutez, bravo. On vous on signe. On va rester là-dessus. Merci beaucoup d'être passé par Radio Resto parce qu'on n'aura pas mieux de toute façon. Non, mais c'est un plaisir en tout cas de t'accueillir, Grégory. Parlons justement de cette mobilisation des Restos du Cœur dans le département de la Sarthe. Tu as quelques chiffres? Ouais, quelques chiffres. Alors sachez qu'il y a déjà 790 bénévoles qui œuvrent ici dans le département de la Sarthe, un département qui comprend 16 centres en fait pour accueillir les bénéficiaires. Et un chiffre important et presque navrant, j'ai envie de dire, 20 000 personnes sont accueillies par an. C'est une progression de 32% sur la seule année dernière. Ouais. Et d'ailleurs, le président des restos ici en Sarthe, Joël de Fontaine, qui a été reconduit dans ses fonctions dernièrement, nous disait pas plus tard que cette semaine qu'il y avait de plus en plus de 18-25 ans et surtout beaucoup plus de mamans et de jeunes enfants âgés de 6 mois à 5 ans, d'où l'importance de l'édition de Radio Resto cette année. Oui, surtout pour cette cinquième saison de Radio Resto, parce que c'est vrai que les années précédentes, on récoltait des dons pour pouvoir justement financer l'achat de camions frigorifiques et donc du coup alimenter les centres de restauration des Restos du Cœur. Là, cette année, on a choisi de se concentrer plutôt sur les bébés avec le financement de Kit Bébé. Franck, s'il te plaît, je te laisse nous rappeler en deux temps comment ça se passe pour faire des dons, s'il te plaît. Alors, pour faire des dons, le site internet radio.restoducœur.org, et on rappelle les kits bébés, c'est des couches, du lait infantile, des petits pots, de l'alimentation, des soins adaptés pour les 0 à 3 ans. Et alors justement, Grégory Régnier de France Bleu Maine au Mans, tu peux nous confirmer que les restos sur le département de la Sarthe, ils ont d'ailleurs très très peu de denrées pour les bébés à disposition dans les bus du cœur, d'où un appel qui a été lancé par le président qui a été réélu tout dernièrement, qui s'appelle Monsieur Joël de Fontaine. Exactement, il manque deux denrées de bébé, donc plutôt que de faire péter les tétines, faites péter les couteaux, faites péter les couches, les lingettes, enfin voilà, tout ce qui peut intéresser les mamans isolées, voire les papas isolés, parce qu'on parle souvent de mamans isolées, mais il y a beaucoup de papas isolés aussi, et les jeunes enfants. Donc ça, ce sont les bus du cœur qui sillonnent un peu le département et les différentes villes, notamment l'agglomération du Mans. Mais il y a d'autres projets en cours aussi au Mans, avec une réhabilitation en ce moment du centre du quartier du Miroir. Alors c'est situé vers la gare sud du Mans. Les restos, ils recherchent même un nouveau point de chute, des nouveaux locaux, donc je fais passer le message. Soit il y a des propriétaires manceaux et sartois qui écoutent Radio Resto ce matin. Voilà, si vous avez un local à mettre à disposition pour les Restos du Cœur, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec eux. Et puis moi j'adore, parce qu'il y a les toits du cœur qui existent ici au Mans. Qu'est-ce que ça c'est ça? Rue de la Fraternité. Exactement. Ah mais c'est marqué sur ma feuille. J'étais trop content de moi, mais en fait je viens de le lire. Non mais je vois que mes antisèches marchent. Ah ouais, trop bien, bravo. Qui là aussi sont en cours de réhabilitation, et ce sont des toits qui sont offerts entre guillemets pour des personnes victimes de violences, comme quoi les Restos du Cœur s'adressent assez large également dans la détresse humaine et dans le besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec les Restos du Cœur pour venir garnir les rangs de ces 790 bénévoles. Sachez d'ailleurs qu'on recherche ardemment un responsable d'approvisionnement, un chauffeur pour livrer les centres, un chauffeur de poids lourd également, et puis un informaticien parmi les différents postes à pourvoir très très vite pour des missions urgentes au sein de l'association départementale des Restos du Cœur. Ouais, il y a un vrai intérêt social, on le dit, c'est vrai, ça va au-delà de ces denrées alimentaires. C'est un super travail qui est réalisé tout au long de l'année aussi, il faut le préciser, parce que il y a des temps forts comme ça où on met en avant les restos avec Radio Resto, c'est vrai, mais c'est tout au long de l'année que les bénévoles aussi se mobilisent et sont au plus près de vous. Et puis il y a aussi la collecte qui va être organisée chez vous, c'est ça, dans le département de la Sarthe, bientôt en plus. Le week-end des 4, 5 et 6 octobre, dans tous les magasins, les grandes surfaces qui à chaque fois répondent présents. Il y a un petit couac l'année dernière pour raconter, une grande surface qui a refusé que les bénévoles s'installent dans la galerie marchande. Pas ça très très classe, donc ce serait bien que toutes les enseignes se mettent au diapason de Radio Resto, diapason des bénévoles qui se mobilisent à plein. Et puis moi j'ai entendu plein de trucs qui vont donner des idées là pour mettre en place à France Bleu Maine, donc c'est cool. Au moins, vous servez à ça aussi ce matin. Ah, oui. Ouais. Non, mais clairement. En plus de me réveiller dans la joie, dans la bonne humeur. Oh, tu sais, nous, quand on peut rendre service. Hein. On est là pour ça. On est là, en tout cas. Greg, merci d'avoir été avec nous dans Radio Resto. C'était un plaisir de t'accueillir. Merci pour ce coup de projecteur sur justement cette mobilisation dans le département de la Sarthe. On fait péter la tétine, hein, comme le disait. Ah, ouais. Attends, on fait péter la tétine. On a gagné un petit peu. Loin. Ouais, 396 030 euros. Ça y est. 4 000 balles. Mais ouais, allez-y, franchement. Allez, c'est encore une grosse demi-heure. Il faut absolument que ça tombe avant 11h et qu'on passe la main à nos camarades qui prendront la suite. Ouais. On serait trop contents, justement, de pouvoir fêter ce nouveau palier passé. Et en tout cas, d'ici là, au cours de ces 30 prochaines minutes, on va continuer ensemble notre tour de France bleue avec les locales du réseau de Radio France et de France Bleu. Là, on va s'intéresser plutôt à France Bleu Paris et on va naviguer sur la Seine avec Vanessa Paradis et Emma. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La Seine, la Seine, la Seine. Tellement jolie, elle m'en sorcelle. La Seine, la Seine, la Seine. Extra lucide, la lune est sûre. La Seine, la Seine. Inédite avec les plus grands animateurs et animatrices radio tous réunis. Ah ouais, 48 heures jusqu'à ce soir. Nous, on est là jusqu'à 11h et après, bon, on va retrouver, on continue de soutenir les restos avec et l'info dans tout ça. Et alors là, clairement, il y a des cadeaux. On a dit animateur, hein, ça marche mieux avec un micro ouvert. Bonsoir, le mec apprend à faire de la radio 25 ans après, tu sais. On a dit les meilleurs animateurs, toutes radios confondues, mais il y a aussi les meilleurs journalistes, toutes radios confondues. Wendy Bouchard de France Bleu qui sera aux côtés de Bruce Toussaint de TF1 qui anime la matinale. Bonjour. Alain Marchal d'RMC pour Les Grandes Gueules, Patrick Cohen sur France Inter et Mohamed Bouafsi également pour l'émission qui va vous accompagner entre 11h et 13h. Et Ali Badou. Ah, il y a Ali Badou qui vient aussi. Allez. En guest. Voilà. Allez. Le guest. Non, mais c'est la classe. Mais exactement. C'est ce qu'on aime en tout cas pour soutenir aussi cet événement Radio Resto, faire un don aussi. On va le rappeler, ce don, il est important. On peut le défiscaliser aussi. Hein, donc allez-y, lancez-vous vraiment. Même un petit don, ça compte. Un petit don, un gros don, ce que vous voulez. Un petit don, c'est un gros don. C'est l'heure de l'apérodon. Non, pardon. Donc ce que vous voulez, 1 euro, 100 euros, c'est pareil. 75% est défiscalisé. Si vous donnez 100 euros, ça vous coûtera réellement, après réduction fiscale, 25 euros seulement. Et 25 euros, c'est un bébé accompagné pendant 3 mois. Donc faites des dons, 1 euro, 100 euros, comme vous voulez. J'espère que je vais le rencontrer, ce bébé, parce que juste avant l'émission, comme je savais qu'on était à deux pas du palier franchi, j'ai donné 25 euros au Resto du Cœur. Et ben, j'espère qu'on va me le présenter, ce bébé que je vais accompagner. Franchement, oui. Sérieux ? On l'appellera Sébastien. Ah, tu parles d'un bébé qui n'est pas encore né. Peut-être. Ah, je pourrais être papa, peut-être. Non, non, ça part trop loin, ça part beaucoup trop loin. Justement, on va partir loin, aussi un petit peu plus loin, direction le Poitou. Oui. On y retrouve Dorian Barré de France Bleu Poitou. Alors, pour vous tout vous dire, il est entre deux émissions radio et il prend le temps pour être avec nous sur Radio Resto. Salut Dorian. Salut Johan, salut tout le monde. Bonjour Dorian. On est dans le Poitou, ça rentre au Poitou, ça rentre partout, comme disait Coluche. On ne l'arrête plus, ça y est, il est lancé Seb. Les restos justement du département de la Vienne sont très investis. Bah, pour la petite enfance, Dorian. Mais oui, effectivement, les Restos du Cœur dans la Vienne sont très impliqués dans cette aide à la petite enfance. Et j'ai eu la chance d'échanger avec la présidente qui m'a confié que cette année encore, les bénéficiaires étaient de plus en plus nombreux dans le Poitou et qu'ici aussi, les restos, ils ont besoin d'aide et de renfort de bénévoles. Alors que ça soit chez nous ou partout ailleurs, on compte sur vous cette année encore, je tenais à le dire. Et si vous pouvez donner un peu de votre temps libre, eh bien, les restos et les bénéficiaires vous attendent. Sinon, en plus de la présidente, j'ai pu passer un coup de fil à Christiane et elle est coordinatrice des soutiens de centre dans la Vienne. Alors forcément, j'ai voulu en savoir plus sur ce rôle un peu différent des autres et je vous laisse écouter sa réponse. Nous avons 17 centres dans la Vienne, plus un accueil de jour, les Toits du Cœur, une ACI, et ça veut dire que des bénévoles sont entre guillemets préposés, oui, pour aider les centres, c'est-à-dire qu'ils leur apportent leur soutien, surtout leurs questionnements. En fait, c'est un relais entre les centres, les éloignés et même ceux qui sont proches, et notre association départementale. Et par exemple, est-ce que vous avez un exemple là qui vous vient dans votre rôle de coordinatrice de quelque chose que vous avez pu faire, une initiative sur laquelle vous avez pu être utile, peut-être ? On est utile. C'est surtout, si vous voulez, dans des questionnements. Vous savez, ça bouge beaucoup au niveau des Restos du Cœur. Donc, il y a des informations qui circulent, qu'il faut toujours... Les centres ne doivent pas se sentir isolés. Ils doivent toujours être au cœur des restos. Ouais, justement. Donc, un véritable lien entre tous, hein. Mais justement, qu'est-ce qui motive Christiane et les autres bénévoles à poursuivre leurs actions malgré les différents obstacles ? Je pense que on est là pour les personnes accueillies, c'est évident. On est là pour les aider. Et à partir du moment où les bénévoles se sentent bien dans leur rôle, ce qu'on peut leur apporter peut aider à mieux gérer tout. Parce qu'on ne va pas dire que c'est le monde des bisounours non plus, hein. Ce n'est pas toujours facile. Mais on a beaucoup de joie et beaucoup de retours intéressants. C'est gratifiant. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Voilà, vous en parliez aussi, Johan, tout à l'heure. Cette année, les restos accentuent leurs efforts sur l'aide à la petite enfance. Et justement, Christiane, elle m'a expliqué comment tout ça était en train de se mettre en œuvre dans le département de la Vienne. Je vous laisse l'écouter encore une fois. Nous sommes bien évidemment dans des prémices, mais il y a quand même il y a des choses qui sont déjà mises en place. Étant donné qu'avant, notre stade bébé s'arrêtait à 12 mois, maintenant, il va aller jusqu'à 36 mois. Et ces enfants auront donc une alimentation plus adaptée qu'ils n'avaient avant. Les Restos du Cœur mettent tout en œuvre pour donner c'est un coup de pouce au niveau de l'alimentation pour les enfants et au niveau également du matériel dont ils pourraient avoir besoin. Ouais, une aide extrêmement importante hein, donc pour les familles en difficulté et leurs enfants. Mais est-ce qu'il y a une grande demande dans le Poitou ? C'est la question que je lui ai posée. Les enfants, oui, il y en a vraiment beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup. On a vraiment beaucoup d'enfants. Le centre de Vignou, qui est un gros centre, a beaucoup d'enfants. La Demi-Lune, Châtellerault, Poitiers Jeunesse. Alors, je ne dis pas qu'en rural, il y en a un petit peu moins. En ville, on a beaucoup, beaucoup d'enfants, oui. C'est un projet qui tient à cœur à la haine et qui va mettre en place, je pense, quelque chose qui va apporter beaucoup aux familles. Et quelles sont justement toutes ces différentes actions que vous allez mettre en place prochainement pour la petite enfance dans la Vienne ? Alors, pour les restos de la Vienne, je vous dis, chaque centre va essayer de mettre en place une structure de façon à recevoir plus facilement les mamans, si elles se posent des questions. Mais en aucun cas, on remplace les PMI et tout ça. On reste vraiment dans l'alimentaire et le matériel. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Chacun son rôle. Chacun son rôle. Mmh. Ouais. Bah oui, c'est vraiment ce qu'on retiendra de ce qu'elle m'a dit. Chacun son rôle pour soutenir au mieux les enfants les plus précaires. Et si vous voulez, je peux finir en quelques chiffres, ouais. Johan, sur les restos de la Vienne. En 2023, c'était 461 bénévoles ici dans le Poitou, 8578 personnes accueillies et puis 1 184 886 repas distribués. Mais je le disais en introduction tout à l'heure, ils sont toujours à la recherche de bénévoles. Alors si vous nous écoutez en ce moment à Poitiers ou aux alentours, bah, n'hésitez pas à les contacter pour leur filer un petit coup de main. Comme toujours, on le répétera jamais. On compte sur vous. Voilà, ouais, complètement. Vous le faites très bien. Bah, super. En tout cas, merci pour ce focus proposé sur Radio Resto ce matin d'Orient Barré. Et on salue évidemment tous les bénévoles. Et c'est vrai qu'il y a ce chiffre, 8578 personnes accueillies l'année dernière. C'est 8578 personnes de trop, évidemment. Et on attend vos dons, justement, vos dons. Ils sont précieux. Continuez à donner sur le site radio.restodecoeur.org. On est là aussi pour s'en faire l'écho. Merci beaucoup, Dorian. On vous laisse aller retrouver l'antenne de France Bleu Poitou. Merci pour ce. Ah ben voilà. Ben en tout cas, merci pour ce petit décrochage ici sur Radio Resto. C'était un plaisir. On va poursuivre dans les prochaines minutes avec Montpellier. On file dans le sud. Ça vous plaît. Ça tombe bien. Ça va nous faire du bien parce que là, je suis allé vapoter devant les locaux de. Comment ça s'appelle le Higencia. Merci beaucoup. Et on a retrouvé notre bonne cloche parisienne, vous savez. C'est-à-dire que c'est pas un nuage, c'est un énorme nuage qui recouvre toute la ville, comme d'habitude. On va le dire, on est en novembre. C'est exactement ça, ouais. Ouais, parce que je suis sorti devant les locaux. Il fait froid comme le début d'un hiver doux, tu vois ce que je veux dire? Complètement. Donc, du coup, on va aller chercher un petit peu de soleil dans le sud. On sera à Montpellier avec l'équipe de France Bleu Héros. Et pourquoi Montpellier d'ailleurs? Parce qu'en janvier prochain, 2025, il y a le concert des Enfoirés. Ah, c'est bien pensé. On va tout vous dire. Il y a des mecs qui bossent, hein. Écoute, production américaine sur cette émission. Toujours. On va retrouver Arthur Desplantes, justement, qui sera en direct des locaux de France Bleu Héros, qui sera plus précisément dans les jardins de la radio, puisque c'est le jardin des plantes d'Arthur, bien entendu. Voilà, c'est pour les blagues, pour vous pouvez compter sur cette bauchée. Et pour la musique, voici Dua Lipa avec Don't Start Now, ici, sur Radio Resto. Putain. Resto, saison 5. Ah oui, on continue ici jusqu'à 11h pour ce grand tour de France avec les copains de France Bleu. Tous les animateurs qui sont pendant 48 heures, les animateurs des radios en France qui sont mobilisés justement pour ce bel événement Radio Resto avec cette envie de fournir justement des kits pour bébé Franck. Il y a aussi des chiffres à propos des restos qu'il faut rappeler, qui sont importants, qui sont très parlants. Qui sont très parlants, effectivement, Johan. Les Restos du Cœur ont accueilli 126 000 bébés de 0 à 3 ans. La précarité alimentaire est un risque réel, majeur pour les tout-petits. Un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Un petit chiffre comme ça. L'année dernière, les Restos du Cœur ont distribué 171 millions de repas et les restos accueillent 1,3 million de personnes. Ouais, c'est énorme. Pour situer le seuil de pauvreté des enfants, il faut 6 générations pour casser ce rythme de reproduction. Ah ouais. De pauvreté. Six générations, mais attends, c'est un truc. C'est immense. Qu'on fera presque plus, je pense. Presque plus, carrément. Ouais, malheureusement. Mais c'est pour ça qu'on est là aussi pour vous accompagner avec Radio Resto et c'est pour ça que les bénévoles aussi restent mobilisés tout au long de l'année avec les Restos du Cœur, avec ces antennes aussi locales qui sont ô combien importantes sur votre territoire parce qu'ils tissent un lien en fait privilégié entre bénéficiaires et les bénévoles et ça, c'est vraiment précieux. Pardon, excuse-moi. Et vous pouvez justement le tisser vous-même ce lien en rejoignant l'équipe des bénévoles. Vous avez du temps libre, vous êtes en train de glander à la maison, en train de regarder Netflix pour la 12e fois de la journée. Non ! Vous éteignez la télé, vous allumez l'ordinateur ou votre portable et vous cherchez restoducœur.org. Il y a un onglet où c'est marqué dessus « Devenir bénévole » et paf, vous rejoignez l'équipe. Vous allez rencontrer des gens ultra sympas, ultra généreux, qui parlent avec leur cœur constamment, que ce soit du côté des bénévoles ou du côté des bénéficiaires. Et franchement, il y a des liens merveilleux qui se créent et je vous dis ça en tant que bénévole. Donc je connais bien. En connaissance de cause, évidemment. On va retrouver dans un instant Arthur Desplantes de France Bleu Héros. On va être à Montpellier puisque dans quelques mois, c'est le concert des Enfoirés qui va être organisé là-bas. Ça va être une folle semaine. En tout cas, on va tout vous dire. Juste avant, la musique pour vous accompagner, c'est avec Ben Mazuet. Un peu de douceur, nous deux contre le reste du monde. Oh, ici, sur Radio Resto. Ben, il vient avec son pote Nuts. Oui, comme ça fait Ben et Nuts. Bon, allez, on va rester là-dessus. Retrouvez mon spectacle, le petit point virgule. C'est de 18h à 18h02. Salut. Opa. Faut les voir se regarder. On ressent l'évidence. Ça existe. Ça existe. Faut les voir se parler avec des yeux immenses. Faut les voir en soirée. Il faut voir leur aisance. Ces couples qui résistent, les amours déclarés, qui sentent la réjouissance, et les projets qui grandissent. On sera peut-être pas de cela, mais si tu veux qu'on insiste, alors c'est que toi aussi tu penses que ça existe. On comprendra que ce qu'on est, que ce qu'on s'aime, que ce qu'on sait, que ce qu'on sera. On s'entête et moi je veux. Nous deux contre le reste du monde. Nous deux contre le reste du monde. Nous deux contre le reste du monde. Nous deux contre le reste du monde. Quand il me parle à deux, quand il s'adresse à moi, je sens qu'ils se parlent entre eux. Même s'ils se parlent pas, c'est solide et discret. Et ça n'est pas menti de dire que ça peut arriver de s'appartenir sans être dépendant, sans trop se retenir, que ça peut finalement arriver de s'appartenir sans être dépendant, sans trop se retenir, que ça peut finalement arriver de s'appartenir. On sera peut-être pas de cela, mais si tu veux qu'on insiste, alors c'est que toi aussi tu penses que ça existe. On comprendra que ce qu'on est, que ce qu'on s'aime, que ce qu'on sait, que ce qu'on sera. On s'entête et moi je veux. Nous deux contre le reste du monde. Nous deux contre. Nous Contre le reste du monde, alors que nous, ici en studio et vous à l'écoute de Radio Resto, nous sommes contre la précarité infantile jusqu'à 20h ce soir. Radio Resto, saison 5. Le monde de la radio se mobilise pour les Restos du cœur. On continue la grande tournée justement pour aller à votre rencontre avec l'appui des locales de France Bleu, le grand tour de France en bleu jusqu'à 11h. Et on est à Montpellier avec France Bleu Héros et avec Arthur Desplantes de France Bleu Héros. Salut Arthur. Bonjour. Salut Johan, salut à toutes et tous. Très heureux de t'accueillir parmi nous dans la grande famille aussi des Restos du Cœur. Un petit état des lieux tiens qui s'impose des restos dans l'Héros, quel est-il? Alors la grosse fierté déjà cette année, Johan et Seb, c'est le concert des Enfoirés. Hein. Ouais, chez forcément. Nous, mais ça, c'est promis, j'y reviens dans un instant. Avant d'accord. ça, pour vous faire une idée, il y a eu l'Assemblée Générale des Restos du Cœur de l'Hérault jeudi. Donc j'ai les chiffres les plus... Oh, c'est du tout frais. C'est du tout frais. Magnifique. On 28 centres dans le département qui représentent environ 1266 bénévoles réguliers. Après, comme pour toute la France, malheureusement, il y a eu des réductions de coûts cette année, donc 3 700 000 de repas distribués en 2024. La bonne nouvelle, alors à prendre avec des pincettes bien sûr, parce que la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a toujours autant de besoins, mais la bonne nouvelle, c'est que l'an prochain, on va pouvoir remonter et retourner à la normale, et ils estiment entre 4,5 millions et 5 millions de repas distribués pour 2025. Alors, il y a des réductions de coûts, comme tu le disais, mais aussi des réductions de couches, et c'est pour ça que vous pouvez œuvrer pour le financement des kits bébés grâce à Radio Resto et au Resto du Cœur ce week-end. Vous financez des kits bébés qui comprennent des couches, du lait infantile, des petits pots, de l'alimentation et des soins adaptés aux 0-3 ans. On va vous rappeler dans ces prochaines minutes comment effectuer vos dons. Arthur Desplantes de France Bleu Héros, on a fait le point justement sur la situation des Restos du Cœur dans l'Héros dans ces dernières secondes. Il y a une particularité, enfin il y en a plusieurs d'ailleurs des particularités, on va commencer par la première, et en l'occurrence ce sont les camions vestiaires. Exactement, le camion vestiaire. Alors c'est un fourgon aménagé pour donner des vêtements en plus de la nourriture et des couches, par exemple, comme tu le dis Sébastien. Un fourgon pour des raisons sanitaires en fait, parce qu'ils ne peuvent pas stocker les vêtements avec la nourriture, et donc ils ont trouvé cette alternative. C'est un van aménagé, une quinzaine de bénévoles qui sont attitrés à cette mission, et en fait ils font deux passages chaque année dans chacun des 28 centres du département. Un passage avec des vêtements d'hiver, un passage pour les vêtements d'été, et pour vous donner une idée, ça représente quand même 30 000 vêtements. Mmh. Ah ouais. Gratuitement, ouais, 30 000 vêtements qui récupèrent en fait avec des parfois des dons industriels pour les invendus qu'il peut y avoir, ou tout simplement aussi des particuliers comme vous et moi qui allons vider nos placards et qui avons encore de belles pièces à donner. Et donc c'est un gros stock là aussi, c'est un gros boulot parce que c'est 6 mois quand même à stocker dans les entrepôts, à ne pas mettre avec la nourriture. Donc c'est quand même une particularité qui a son petit effet en plus de la nourriture, pouvoir repartir avec des vêtements chauds bien ou sûr. Plutôt frais pour l'hiver, c'est quand même pas mal du tout. Et ouais. tu parles de nourriture, justement, il y a des repas qui sont faits aussi maison, c'est ça? Il y a un vrai engagement? C'est carrément le plus, j'ai envie de dire, du département de l'Hérault avec les Restos du Cœur. C'est qu'on distribue des repas au sans domicile fixe de Montpellier, qui sont très nombreux, il faut dire, quand même, dans la métropole, mais avec de la cuisine maison. Alors, c'est pas des repas achetés à Sodexo, ce qui serait quand même très bien déjà, mais là, ils ont une cuisine. Il y a 100 bénévoles qui cuisinent un repas chaud chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, à midi, et le lundi soir aussi, exceptionnellement. Et en fait, ils se retrouvent à 8h le matin, ils récupèrent les produits frais, les produits qu'ils ont en stock, ils passent en cuisine, une cuisine aux normes européennes. Alors là, le président a insisté pour me dire ça, hein, c'est-à-dire avant d'Argue, parce qu'il me dit les normes européennes, ça représente des fours à 6000 euros. Donc voilà, c'est une belle cuisine. Et il distribue comme ça entre 200 et 300 repas faits maison par jour le midi à Montpellier au SDF. C'est génial, franchement. Et alors, il y a 7 dates qui sont très importantes à venir au début de l'année 2025 sur le département de l'Hérault, 14 janvier, 15, 17, 18 et 19, ainsi que le 20 janvier prochain, ce seront justement les dates pour le concert 2025 des Enfoirés. Bah absolument. La dernière fois, c'était en janvier 2022 et Covid oblige. Ah oui. Au dernier moment, ça s'est fait sans spectateurs, avec des bénévoles en quarantaine. Oui. Alors cette année, je vous dis les gars, il est à nous et on va en être très très fiers dans le département. 300 bénévoles hein, qui vont travailler pendant 3 semaines sur le concert. C'est d'ailleurs l'entrepôt de Vendargues hein, qui va livrer les repas à l'occasion de ce concert. Ils sont déjà en ce moment en train de faire la sélection par type de métier pour le concert. Et on est super fiers de les accueillir. Nous, France Bleu, Hérault, c'est la radio qui est choisie hein, par les bénévoles des Restos du Cœur. Là aussi, on en est fiers. Et on soutient au quotidien, chaque année, la grande collecte annuelle. Le loto du mois de février, par exemple, à Montpellier, on le met en avant. Et pour le concert, eh ben, là aussi, on a tout prévu. On va offrir des places pour le concert des Enfoirés à nos auditeurs, ouais. Mais attention, pas de partenariat dans l'histoire. Hein. On achète les places, bien joué. Ensuite on les offre. Oui. Ah oui, bien sûr. Bravo. On est là pour donner. Et c'est pareil pour les CD et les DVD du coffret du concert. Là aussi, on les achète et ensuite on les offre. C'est notre manière minimum, j'ai envie de dire, de soutenir les Restos du Cœur dans le département de l'Hérault. Ah, oui, surtout que même si vous n'êtes pas dans le département de l'Hérault, si vous ne participez pas à ce concert 2025 des Enfoirés, je vous rappelle que un disque ou un DVD acheté, c'est 25 repas assurés pour les bénévoles des Restos du Cœur chaque année, et c'est un rendez-vous télévisuel de toute façon qui cartonne du feu de Dieu chaque année sur TF1. Carrément, évidemment, et on est toujours super fiers de mettre ça en avant et de soutenir en plus hein, ce concert qui est toujours phénoménal avec toutes les célébrités qu'on adore. Ouais, t'as des indiscrétions ou pas, Arthur, pour la prochaine édition là, pour aujourd'hui? Malheureusement, on n'en est pas encore à ce stade. Non, j'ai pas les indiscrétions. Déjà, personnellement, je vais essayer de me glisser si je peux dans les coulisses au mois de janvier, parce que je serais quand même très très content de pouvoir y assister. Ce qui est certain, c'est qu'on ira faire vivre les coulisses. Je sais que Laurent Petit-Guillaume, hein, l'initiateur évidemment de Radio Resto, sera aussi présent pour accompagner tout le monde. Trop bien. Et on a hâte, ça c'est certain, c'est une grosse date qu'on attend et qui est bien cochée sur le calendrier. Ouais, mais t'as pu échanger justement avec des auditeurs de l'antenne de France Bleu Hérault qui, j'imagine, sont hyper aussi patients mais en même temps en attente de ce rendez-vous qui est toujours incontournable. C'est vrai que à chaque concert, c'est assez dingue. Il y a eu Bordeaux aussi, il y a eu Lyon, enfin c'est toujours fou en fait. Je pense à tous ceux qui ont... C'était en 2022, tu disais justement le coup du Covid qui avait annulé le concert. C'est ça. Ouais, c'est en fait, il faut bien comprendre que nous, nos auditeurs à Montpellier, dans le département de l'Hérault, il y a une frustration. Il y a une véritable frustration. Il y avait les places qui étaient achetées. Ils étaient excités à l'idée de pouvoir y aller. La Sud de France Arena, c'est une salle magnifique. Et au dernier moment, on ne peut plus y aller à cause de cette année Covid. Donc là, vraiment, il va y avoir une envie de se rattraper en 2025. Ouais, ça se comprend en tout cas. Et on sait que France Bleu Hérault, mais même plus largement France Bleu, sera aussi au cœur de l'événement. Et c'est toujours un moment assez dingue. Vous avez fait ou pas une fois un concert? Jamais. Non plus. Autant je manque pas la diffusion chaque année sur TF1, autant j'ai jamais eu le plaisir de pouvoir participer à un des concerts. Eh ben, on va prendre des places, voilà, 3 places comme ça, ça sera 3 places en plus pour aller. Et même avec toi, Arthur, comme ça fera 4 places pour aller découvrir ce grand show des Enfoirés. On a hâte aussi de découvrir l'hymne, parce que ça aussi, ça arrive quelques semaines avant. C'est le rendez-vous annuel. Mais ouais, c'est ça, mais ouais, vraiment. Et ça arrive quelques semaines avant ce grand concert. Et ce qui est fou, c'est que le public connaît les paroles, mais par cœur, alors qu'il est sorti quelques jours avant le single. C'est un karaoké géant. Non, mais c'est ça. Ouais. Et c'est hyper beau, en tout cas, de voir aussi cette mobilisation et le fait que ça fédère aussi, ce grand concert fédère. Et on le voit d'ailleurs, hein, vous êtes aussi nombreux à vous mobiliser autour de ce week-end spécial Radio Resto. On est à 99%. Ah, et on l'a pas, ce petit pourcent. Mais oui, s'il vous plaît. Faites-nous le péter, là. Il reste 5 minutes avant qu'on passe la main à l'équipe de Et l'Info dans tout ça qui va prendre le relais entre 11h et 13h sur Radio Resto. Donc, s'il vous plaît, allez-y, faites les dons, là, il y a tous les moyens, il y a l'application Radio Resto, il y a le site radio.restoducœur.org pour pouvoir financer les kits bébés, on serait trop content de fêter ça juste avant 11h. Clairement, en tout cas, merci beaucoup Arthur Desplantes d'avoir été avec nous de France Bleu Hérault. Avec grand plaisir, c'était vraiment très chouette de pouvoir partager et mettre en avant les Restos du Cœur du département à vos côtés. Merci d'avoir été avec nous. Ce dimanche matin se passe bien puisqu'on passe ensemble sur Radio Resto, comme je vous le disais. À venir, entre 11h et 13h, ce sera et l'info dans tout ça. On va passer la main à nos camarades d'ici quelques petites minutes et on va le faire avec vous, bien entendu. D'ici là, on se fait du bon son. Someday, The Strokes sur Radio Resto. Les Strokes, à l'instant, sur Radio Resto avec Someday. On adore ce genre de son ici sur Radio Resto. Et on va prolonger. Mais ouais, non, mais complètement. Et on va prolonger jusqu'à ce soir pour Radio Resto. Franck, on dit, il faut se mobiliser justement pour faire un don. On se mobilise sur le site internet radio.restoducœur.org ou sur l'application Radio Resto. Et vous pouvez écouter également sur Radio Player. Bon, en tout cas, merci à Arthur, Benjamin, Andrea, Shannon. Merci à Laurent Petit-Guillaume. Évidemment, on salue toute l'équipe de Radio Resto. Tous les bénévoles des Restos du Cœur. Et pour la suite? Et pour la suite? Bah, pour la suite, moi, j'ai l'impression d'accueillir le Père Noël, j'ai envie de te dire. Tu vois, franchement, je vais vous la jouer très cash, très franc. Ça fait 25 ans que je fais de la radio et me dire que je termine mon émission après 2 heures d'antenne avec mes camarades Johan et Franck et que je passe la main à des gens comme Patrick Cohen de France Inter, Alain Marchal de RMC, Wendy Bouchard de France Bleu. Je sais pas quoi dire. Bonjour les amis. Mais salut, bonjour. Salut à tous. Quelle fierté de faire de la radio avec vous aujourd'hui, quoi. Bah, on fait tous le même métier, de toute façon. Oui, on a commencé combien? Il y a combien de temps que t'as commencé, Patrick, toi? Il y a quasiment 40 ans, aussi. Ah ouais. Sur les radios associatives à l'époque. Oui, là, est-ce qu'on appelait la bande FM? Et Michel Drucker faisait déjà de la télé. Exactement. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne émission. Merci de nous accueillir. Vraiment. Et il est 11h sur Radio Resto.